danser l'Odyssée. Des gens, des prophètes, en fait, disent qu'il faut prier à Mère Nature. Avec amour, elle lui demande si de ses feuilles puis fumées me marquera de félicité. Quelle est votre nature, mon herbe, puis-je lentement vous rouler? Voilà que des voix s'adressent à moi, à mon cœur affiné. Elles ont demandé. Ici-bas tes rêves, ils ne feront que te nouer les pieds. Demain est un jour terne, prends donc un bol de fumée. Soyons comme des frères d'amour et de haine. La séduire, j'ai succombé. Partie de la nature impure, les idées entremêlées. Des prophètes en fait disent qu'il faut travailler pour la santé, avoir des projets. Revenu dans la ville, au labor je courais, les nerfs dans la sueur, c'est bien. Demain recommencer. Votre nature, mon herbe, puis-je lentement vous rouler? Voilà que des voix s'adressent à moi, à mon cœur fatigué. Elles ont demandé. Laisse ici-bas tes rêves, ils ne feront que te nouer les pieds. Demain est un jour terne, prends donc un bol de fumée. Soyons comme des frères. C'est du réel, et j'ai succombé. Soyons comme des frères, l'amour et la haine. C'est du réel, et j'ai succombé. J'ai succombé.